Des dizaines de personnes de la diaspora russe de Munich se sont rassemblées mardi sur la place Wintelbachterplatz pour un rassemblement du régime immortel pour marquer le 78e anniversaire du jour de la victoire et la commémoration des soldats soviétiques tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Des images montrent des participants déposant des fleurs et tenant des photos de leurs proches qui étaient des soldats de l'armée rouge, tandis qu'un petit groupe de contre-manifestants ukrainiens se sont rassemblés à l'écart, tenant des images des personnes présumées disparues. C'est très important pour notre génération de se souvenir de ce qu'on a fait à nos ancêtres, nos grands-parents. Et c'est très important de le transmettre à nos enfants, a déclaré Mathias, un participant. Personne ne sera oublié. Et oui, mon grand-père était à la guerre, il a perdu la vie pour que je puisse vivre et je ne l'oublierai jamais, a ajouté un deuxième participant. Le jour de la victoire est traditionnellement célébré en Russie le 9 mai, jour où la capitulation de l'Allemagne a été annoncée en URSS. Afrique Média, le monde, c'est nous.